Le meurtre de Birmingham, par Emma Orczy, chapitre 1er. Ce déjeuner-là, je causais avec le bonhomme des appointements des avocats et des avoués. Avec une mémoire prodigieuse, il me citait certains cas qui avaient procuré aux gens de loi des bénéfices absolument inouïs. Hélas, depuis quelques années, ces mines d'or semblent en baisse, ajouta-t-il. Le Klondike s'épuise. Pourtant, la plupart des affaires sont encore d'un bon rapport pour ceux qui s'en occupent. Tenez, le cas à Brocklesby. Je vous assure que beaucoup d'argent fut dépensé à propos de cette bulle de savon, avant qu'elle n'éclatât d'une façon aussi imprévue. Je me souviens, les billets de banque ont dû danser, en effet, avant l'événement terrible qui termina la querelle. Nul avocat de bonne réputation n'aurait consenti à plaider cette affaire. Mais maître Timothée Bedingfield, de Birmingham, est un gentleman qui eut, mettons, des malheurs. Il appartient encore au barreau, mais vraiment je ne crois pas qu'il doive être encore bien utile dans un procès. Après tout, il n'est que juste de dire que nos vieilles baronnies ont des histoires si embrouillées et des archives si extraordinaires qu'une réclamation vaut toujours la peine d'être lancée. On ne sait jamais si elle n'est pas juste. On s'est d'abord tordu de rire devant les prétentions de Robert Ingram de Genneville au titre et baronnie de Genneville. Pourtant, ce n'était pas une cause perdue d'avance. Cela parut un peu comme un conte de fées, cette réclamation basée sur la prétendue validité d'un document vieux de 400 ans. Car c'est il y a 4 siècles qu'un brave baron, plus musclé qu'intelligent, fut un jour extrêmement embarrassé. Voici pourquoi. Sa femme venait de lui donner 2 jumeaux, et il arriva que, par une étourderie inconcevable, les femmes de chambre, très occupées à soigner la mère, placèrent les 2 enfants dans le même berceau et qu'ensuite personne, pas même la mère, ne put dire lequel était apparu le premier en ce monde. Après des années de réflexion, le baron de Genneville, se sentant près du tombeau, eut recours, pour résoudre la difficulté, à son roi. En effet, lequel des 2 jumeaux était l'aîné? Impossible de le savoir, impossible par conséquent de désigner celui qui hériterait du titre et de l'argent. Avec l'assentiment du roi, le baron de Genneville dressa un acte suivant lequel ses 2 fils partageraient ses titres et revenus après sa mort, mais selon lequel aussi le premier enfant mâle né de l'un ou de l'autre serait le seul et définitif héritier du tout. Ce document ajoutait que si dans le futur un lord de Genneville avait 2 jumeaux et que chacun de ceux-ci posséda des droits à être considéré comme l'aîné, la succession serait soumise à la même règle. Par la suite, un lord de Genneville fut créé comte de Brocklesby par un roi de la dynastie des Stuarts, mais pendant 4 siècles, cette extraordinaire clause de testament n'eut pas lieu d'être appliquée, les comtesses de Brocklesby ne montrant aucune prédilection pour les jumeaux. Mais en 1878, la châtelaine de Brocklesby donna 2 fils à son mari. Cette fois, les jumeaux ne se trouvèrent pas mélangés. L'un d'eux fut nommé vicomte Tirlemont et considéré comme l'aîné, c'est-à-dire l'héritier, et l'autre, né 2 heures plus tard, devint ce brillant officier bien connu de la société anglaise, Robert Ingram de Genneville. Ce fut certainement un mauvais jour pour ce dernier que celui où il prêta l'oreille au conseil de Timothée Bedingfield. De génération en génération, les Bedingfield étaient avoués des comtes de Brocklesby, mais Timothée, à la suite de certaines irrégularités, avait perdu la confiance de son client, le dernier comte. Il avait toujours son étude à Birmingham et connaissait toutes les traditions de la vieille famille, notamment l'histoire que je vous ai contée. Fut-il poussé par un sentiment de vengeance ou simplement voulut-il se faire de la réclame, ou encore croyait-il au succès de la tentative, je l'ignore. En tout cas, il conseilla Robert Ingram de Genneville, qui avait plus de dettes et des goûts plus dispendieux que ne peut se le permettre un cadet de famille, de réclamer, à la mort de son père, le partage du titre et des revenus de l'ancienne baronnie de Genneville. Cette réclamation s'appuyait sur les documents du XVe siècle. Les prétentions de Robert de Genneville étaient évidemment inconcevables, puisque la plus grande partie de la petite ville d'Egbaston est bâtie sur des terrains qui appartenaient jadis à la vieille baronnie. Mais ce pouvait être un radeau sur un océan de dettes et de difficultés, et Bedingfield n'eut pas grand mal à décider Robert à lancer une action judiciaire aussitôt. L'attitude du jeune comte de Brocklesby fut celle d'un homme absolument sûr de sa situation légale. Il avait en sa possession et le document et le titre nobiliaire. C'était à son adversaire à le forcer à produire l'un et à partager l'autre. Robert reçut alors le conseil de se marier, afin, rappelez-vous la vieille ordonnance royale, d'avoir, si possible, le premier héritier mâle de la génération suivante, puisque le jeune comte était lui-même célibataire. Ses amis lui trouvèrent une fiancée convenable en la personne de Miss Mabel Brandon, fille d'un riche manufacturier de Birmingham, et le mariage fut fixé au jeudi 15 septembre. Le 13, Robert de Genneville arriva à Birmingham et descendit à l'hôtel Bruce, dans la rue Nelson. Tout était prêt pour la noce. Mais le 14, à 8 heures du matin, on le découvrit assassiné dans sa chambre à coucher. Ce dénouement horrible du procès de Genneville provoqua le plus intense émoi parmi les amis et relations des deux adversaires. Les employés de l'hôtel Bruce éprouvèrent de réelles difficultés à repousser la foule qui, avide de détails, encombrait le hall. D'ailleurs, si ces détails étaient épouvantables, ils étaient peu nombreux. Les cris de la femme de chambre qui venait d'entrer dans la chambre de Robert à 8 heures du matin avaient attiré les autres domestiques, puis le manager et son secrétaire. Bientôt, la police arrivait. On aurait dit que le jeune homme avait été victime d'un meurtrier maniaque tant on s'était acharné sur son corps. La tête et le corps avaient subi les coups innombrables et extrêmement violents de quelques cannes pesantes ou peut-être d'un tisonnier. On se demandait quelle haine atroce avait causé un pareil acharnement. Il serait impossible de décrire l'aspect effroyable et de la chambre et du cadavre tel que la police et le médecin légiste les trouvèrent. L'assassinat datait de la veille au soir. En effet, la victime portait un habit de soirée et toutes les lampes électriques de la chambre brûlaient encore. Le vol était le motif de l'assassinat car les tiroirs des armoires, les valises et les sacs à main avaient été bouleversés. On retrouva par terre un portefeuille déchiré qui contenait seulement quelques lettres adressées à Robert de Genneville. Le comte de Brocklesby, prévenu par télégraphe, arriva aussitôt du château de Brocklesby qui se trouve à environ 7 miles de Birmingham. Cet horrible assassinat parut l'impressionner très vivement et il promit à la police une grosse récompense si elle découvrait l'assassin. Chapitre 2e. Le comte Brocklesby, dans la salle de l'enquête, attirait vivement l'attention. Le deuil sévère de ses vêtements contraste avec son teint rougeau et ses cheveux clairs. Il avait déjà accompli le terrible devoir de reconnaître le cadavre de son frère, devoir non seulement pénible, mais extrêmement difficile à cause de toutes les blessures de la face et du corps. Heureusement, les vêtements et quelques bijoux, notamment une bague cachée, n'avaient pas tenté l'assassin, et ce fut surtout grâce à eux que le comte Brocklesby put identifier le corps. Les divers employés de l'hôtel déposèrent quant à la découverte du corps, et le médecin légiste donna son opinion sur la cause évidente du décès. La victime avait été frappée à la nuque avec un gros bâton ou avec un tisonnier, et l'assassin avait ensuite assouvi son aveugle fureur sur le corps en le martyrisant d'une façon qui, vraisemblablement, était celle d'un fou. Le comte de Brocklesby comparut alors, et le coroner lui demanda quand il avait vu, pour la dernière fois, son frère vivant. La veille de sa mort, il vint à Birmingham par un train du matin, et moi je m'y rendis à cheval, de Brocklesby, spécialement pour le voir. J'arrivai à l'hôtel à 11 heures, et je restai avec lui environ 1 heure. « C'est la dernière fois que vous avez vu votre frère ?»« Oui, » répondit Lord de Brocklesby. Il hésita quelques secondes, puis il se décida soudain à ajouter. « Je restais tout le jour en ville et ne retournais à Brocklesby que tard dans la soirée. En effet, j'avais des affaires urgentes. Comme d'ordinaire, je descendis au grand hôtel et dîner avec des amis. « À quelle heure êtes-vous retourné au château de Brocklesby ?»« À environ 11 heures du soir. »« Je crois, » dit le coroner, après une pause légère, durant laquelle l'attention de toute la salle ne quitta pas le jeune gentleman, « je crois ne pas me tromper en disant qu'il y avait un malencontreux désaccord entre votre frère et vous. En effet, cette divergence existait. » Le coroner prit encore un temps, puis demanda. « Si la réclamation du décédé relative au titre et aux revenus de Genneville avait été acceptée par les tribunaux, une grande importance aurait été attachée, n'est-ce pas, à son mariage qui devait avoir lieu le 15, certainement. » « Dois-je comprendre que votre frère et vous, vous êtes séparés en termes amicaux après votre entrevue ? Il n'y avait aucune inimitié entre nous. Quel fut le sujet de votre entretien ? Mon frère, abusé par les erreurs ou par l'optimisme exagéré de son avoué, était parti en procès contre moi en se basant sur un vieux document de famille qu'il n'avait jamais vu. Il me sembla plus convenable et plus amical de le laisser juger lui-même de la valeur de ce document. Je ne doutais pas qu'après en avoir pris connaissance, il serait convaincu de la futilité de sa réclamation. Voilà pourquoi je résolus d'avoir une entrevue avec lui à ce sujet plutôt que de me remettre, comme si c'était plus correct, à l'intermédiaire de nos avoués respectifs. Cette entrevue fut très simple, je me bornai à lui soumettre le document en question. Le jeune comte de Brocklesby avait donné ses détails d'une voix tranquille et avec une digne simplicité de manière. Pourtant, le coroner lui demanda presque sévèrement « Vous vous êtes séparés, bons amis ?»« En ce qui me concerne, je n'hésite pas à déclarer que oui. »« Mais lui ?» insista le coroner. « Je crois qu'il était ennuyé d'avoir été si mal conseillé. »« Et plus tard dans la journée, vous n'avez pas tenté de le revoir pour dissiper complètement ce qui pouvait rester du malentendu ?» « Vous me demandez en somme si j'ai revu mon frère ce même jour ?»« Ma réponse est simplement non. »« Et vous ne pouvez fournir aucun renseignement susceptible de dissiper le mystère qui entoure la mort de Robert de Genneville ?»« Hélas, non. » Le magistrat semblait étonné et pensif. Visiblement, il fut sur le point de pousser davantage le témoin sur ce sujet. On sentait qu'un motif secret avait dirigé cette partie de son interrogatoire. On se demandait donc avec la plus vive curiosité ce que les prochains témoignages allaient amener. Le comte de Brocklesby vint s'asseoir à côté de son conseil, Sir Marmaduke Ingersoll. Tout d'abord, il écouta distraitement les dépositions du caissier et du portier de l'hôtel Bruce, mais bientôt, certaines assertions de ses témoins parurent le stupéfier. Son jeune visage pâli se contracta. Monsieur Tremlett, le caissier de l'hôtel, déclara que M. Robert de Genneville était arrivé à l'hôtel le 13 au matin. On lui avait donné la chambre qu'il avait coutume d'occuper, le numéro 21. Il s'y rendit aussitôt et on lui monta son déjeuner. À 11 heures, le comte de Brocklesby rendit visite à son frère et resta avec lui jusqu'à environ midi. L'après-midi, le défunt sortit et revint dîner en compagnie d'un gentleman que le caissier connaissait de vue, M. Timothy Bedingfield, l'avoué. Ces messieurs dînèrent dans la grande salle à manger et s'en furent ensuite dans la chambre de M. de Genneville pour le café et les cigares. Je ne pourrais pas dire exactement à quelle heure M. Bedingfield s'en alla, mais il me semble bien l'avoir vu dans le hall à environ 9h15. Il portait un pardessus jaune ouvert sur son habit de soirée et un chapeau haute forme à bord remarquablement large. À ce moment, le hall se trouvait encombré. Il y avait là plusieurs familles américaines qui absorbaient toute l'attention de notre personnel, et je ne peux être très précis sur l'heure à laquelle je crois avoir vu partir M. Bedingfield, quoique je sois absolument sûr que ce fut lui qui dîna et passa la soirée avec M. Ingram de Genneville. Je le connais parfaitement de vue. À partir de 10 heures, ma journée est finie et c'est le portier de nuit qui prend ma place dans le hall. La déposition de M. Tremlett fut renforcée par un valet de chambre et par le portier de jour. Ils avaient tous vu la victime arriver à 7 heures en compagnie d'un monsieur, et leur description de celui-ci désignait nettement M. Timothy Bedingfield, que d'ailleurs ils ne connaissaient pas. À ce moment, le président du jury demanda pourquoi M. Timothy Bedingfield n'était pas parmi les témoins. On lui répondit que ce gentleman avait quitté Birmingham et qu'il serait de retour incessamment. Le coroner allait proposer un ajournement de l'affaire jusqu'au retour de M. Bedingfield, mais sur la demande instante de la police, il consentit à entendre la déposition de Peter Tyrrell, le portier de nuit de l'hôtel Bruce. C'était la première fois que je travaillais à l'hôtel Bruce. Précédemment, j'étais portier de nuit à l'hôtel Bright, à Wolverhampton. Cette première nuit, comme je venais d'entrer en fonction, à 10 heures du soir, un gentleman entra et me demanda M. Robert de Genneville. Je répondis que je croyais qu'il était à l'hôtel et que j'allais envoyer voir. Ne vous dérangez pas, je connais sa chambre. Le numéro 21, n'est-ce pas ? Et il y monta sans attendre ma réponse. « Vous a-t-il donné son nom ? » demanda le coroner. « Non, monsieur. » « Quelle était son apparence ?»« Autant que je peux m'en souvenir, il portait un gros pardessus jaune et un chapeau de forme à bord extrêmement large. Je n'ai pu très bien voir son visage, car il avait le dos à la lumière et son grand chapeau sur les yeux. En plus, il ne me parla que quelques instants. « Regardez autour de vous, » dit tranquillement le coroner. « Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui ressemble au gentleman dont vous parlez ?» Un frisson passa dans le public, tandis que Peter Tyrrell jetait un long regard circulaire autour de lui. Un instant, il sembla hésiter, un instant seulement, car conscient de la terrible importance que pouvait avoir sa déclaration, il secoua la tête et déclara « Je ne peux pas dire. » Le coroner insista, essaya de le décider, mais avec une prudence de paysan, l'autre répétait « Je ne peux pas dire, non, je ne peux pas dire. » Alors, qu'est-ce qui arriva ? demanda le coroner, obligé d'abandonner le point intéressant. Le gentleman monta et un quart d'heure plus tard, il redescendit. Je le reconduisis jusqu'à la porte. Il semblait très pressé. Il me donna une demi-couronne en me disant bonne nuit. Et quoique vous l'ayez ainsi revu, vous ne pouvez pas maintenant le reconnaître. Une fois de plus, les yeux du portier allèrent comme instinctivement à certains visages. Une fois de plus, il hésita pendant plusieurs secondes, qui semblèrent aussi longues que des minutes, car l'honneur et la vie d'un homme se jouaient. Puis il répéta encore « Je ne peux pas dire ». Mais le coroner, le jury et le public avaient vu que pendant ces instants d'hésitation, les yeux du témoin fixaient nettement le comte de Brocklesby. Chapitre 3e. Le bonhomme s'interrompit pour parachever un nœud difficile sur sa cordelette, puis il reprit. Tout le monde était stupéfait. Il n'y avait que moi, pour y voir clair. Je savais déjà comment cet horrible crime avait été commis. Je connaissais les détails et surtout les motifs. Vous vous en rendrez compte tout à l'heure. Mais avant de mettre quelque lumière dans cette étrange affaire, je dois vous enterrer dans les ténèbres même où le coroner et le jury piquèrent une tête le jour suivant. L'affaire avait été ajournée puisque la comparution de M. Timothy Bedingfield s'imposait. Le public commençait à trouver plutôt étonnante son absence de Birmingham en un moment si critique. On s'attendait pourtant à le voir paraître à chaque audience avec son pardessus jaune et son chapeau de forme à large bord, tel que plusieurs témoins l'avaient vu la nuit du meurtre. Quand le coroner et le jury eurent pris leur siège, la première information que la police leur donna fut qu'on ne savait pas du tout ce qu'était devenu M. Timothy Bedingfield. On espérait qu'il n'était pas parti bien loin et qu'on le retrouverait. Il y avait d'ailleurs là un témoin qui pourrait peut-être jeter quelques lumières sur la destination probable de l'avoué. Ce témoin était Mme Higgins, la femme de charge de M. Bedingfield. Son maître, déclara-t-elle, allait souvent à Londres, surtout depuis quelque temps. D'ordinaire, il partait très tard, par un des derniers trains du soir, et n'était guère absent que 36 heures. Il emportait une valise qui se trouvait toujours prête, car il avait fréquemment à prendre le train à l'improviste. Mme Higgins ajouta que son maître descendait à l'hôtel Cecil, à Londres. En effet, c'était toujours là qu'elle avait ordre de télégraphier si quelque chose d'urgent se trouvait requérir la présence de l'avoué à Birmingham. Le soir du 14, continua-t-elle, à 9 heures environ, un commissionnaire vint me trouver avec la carte de mon maître et me dit qu'il avait ordre de rapporter à M. Bedingfield sa valise. Il devait le retrouver à la gare, au train de 9h35. Je lui remis la valise, naturellement, puisqu'il avait apporté la carte et que plusieurs fois déjà, M. Bedingfield avait envoyé chercher sa valise de cette façon. Depuis ce moment, je n'ai eu aucune nouvelle de mon maître. Questionnée par le coroner, elle ajouta que M. Bedingfield n'était jamais resté absent aussi longtemps sans réclamer son courrier. Or, une grosse pile de lettres l'attendait chez lui. Elle lui avait écrit à l'hôtel Cecil, demandant ce qu'il fallait faire de ses lettres, mais elle n'avait reçu aucune réponse. Elle ne connaissait pas le commissionnaire qui était venu chercher la valise. M. Bedingfield portait un gros manteau jaune sur son habit de soirée quand il était sorti à 6 heures de l'après-midi. Il avait aussi un chapeau haute forme à bord très large. Les recherches les plus actives n'avaient pu faire retrouver ni le commissionnaire ni aucune trace de Timothy Bedingfield. La police avait questionné les porteurs et les employés qui se trouvaient sur le quai au train de 9h35, le 14, mais la foule était si grande ce soir-là que l'on avait dû dédoubler le train et leurs souvenirs n'offraient naturellement aucune précision. Résumons. M. Timothy Bedingfield est vu pour la dernière fois en compagnie du défunt. Il porte un gros pardessus jaune et un chapeau haute forme à large bord. Deux ou trois témoins l'ont vu quitter l'hôtel à environ 9h15. Alors le commissionnaire va chercher la valise de l'avoué, et celui-ci semble disparaître dans l'air. Mais, et c'est un grand mais, le portier de nuit de l'hôtel Bruce a vu, une demi-heure plus tard, quelqu'un portant le fameux pardessus jaune et le chapeau de forme à large bord monter chez le défunt et y rester environ 15 minutes. Par conséquent, les soupçons se dirigeaient nettement vers M. Timothy Bedingfield, d'autant plus qu'il s'obstinait à ne pas reparaître. Mais il y avait une autre thèse. Vous vous souvenez que lorsqu'on avait demandé au portier de nuit si, parmi les personnes présentes, il pourrait reconnaître le visiteur tardif de Robert de Genneville, ses yeux s'étaient arrêtés avec insistance sur le jeune comte de Brocklesby. Si ce visiteur tardif avait été M. Timothy Bedingfield, grand, mince, sec, avec un nez pareil, un bec d'oiseau et une figure toute rasée, personne n'aurait pu le prendre pour le jeune lord Brocklesby, rougeau, barbu et de taille courte. Bien que tous deux fussent à peu près roux, leur type physique était si opposé qu'il était absolument impossible de les confondre. Cette dernière remarque, que chacun faisait, ajouta le bonhomme en contemplant orgueilleusement son bout de ficelle raccourci par les nœuds, était tout en faveur de M. Timothée Bedingfield. D'autant plus que M. Robert de Genneville était pour celui-ci la poule aux œufs d'or. L'affaire de la baronnie avait mis en lumière le nom de Bedingfield et l'amour de son client ne pouvait que lui nuire très vivement. Tel n'était pas le cas du comte Brocklesby, et je me rappelle à l'époque avoir soutenu. Soutenu quoi ? Que le comte Brocklesby avait changé de vêtements avec M. Bedingfield pour assassiner plus facilement son frère. Où et quand ce changement aurait-il pu être effectué, puisque le gros pardessus jaune et le chapeau haute forme à large bord étaient dans le hall de l'hôtel Bruce à 9h15, et qu'à ce moment, et jusqu'à 10h, le comte de Brocklesby se trouvait au grand hôtel, finissant de dîner avec ses amis. Ceci fut par la suite absolument prouvé. Souvenez-vous aussi qu'il était de retour à 11h précises au château de Brocklesby, situé à 7 000 de distance. La visite de l'individu mystérieux eut lieu, elle, un peu après 10h. En somme, la police avait contre le comte Brocklesby, premièrement, les hésitations du portier de nuit, deuxièmement, le fait que la mort de son frère le débarrassait d'un procès où peut-être il n'était pas aussi sûr d'avoir raison qu'il le proclamait. Contre M. Bedingfield, aucun motif, mais des coïncidences très suspectes et son extraordinaire disparition. Ici, le lecteur est prié de se recueillir et de désigner lui-même, si possible, quel est l'assassin. Ah, si la police avait considéré le cas comme je l'ai fait, ajouta le bonhomme, s'était rappelé les dettes de M. Robert de Genneville et sa dernière chance qui soudain s'écroulait. Ce jour même, le comte Brocklesby, en montrant l'original du vieux document à son frère, lui avait montré la vanité de ses espérances. Qui sait à combien se montaient les dettes faites, l'argent sollicité et obtenu sur la foi de cette revendication. Rien d'étonnant à ce que Robert se soit senti de mauvaise humeur, moins contre le comte de Brocklesby que contre l'homme dont les fausses promesses l'avaient amené dans une telle fondrière. Sans doute, Robert devait-il à M. Bedingfield beaucoup d'argent, que celui-ci comptait recouvrer à taux d'usure et grâce à des menaces de scandale. Il était complètement ruiné et n'avait plus qu'à se suicider. Mais voyez donc, si Bedingfield disparaît, il n'a plus de terribles grosses sommes à payer. Il peut réunir ses derniers billets de banque et aller recommencer sa vie en Australie ou ailleurs, sous un faux nom. Pensez à cela et dites-moi si vous ne voyez pas là un sérieux motif de meurtre. Mais ce que vous suggérez est impossible. Permettez, reprit le bonhomme qui défaisait difficilement les nœuds multiples de son agaçante ficelle. C'est très aisé, c'est très simple. Les deux hommes se trouvaient seuls ensemble dans la chambre de M. Robert de Genneville après dîner. Vous, comme représentant du public et de la police, vous dites que M. Bedingfield s'en alla et revint une demi-heure plus tard pour tuer son client. Je dis, moi, que ce fut l'avoué qui périt à 9h du soir et que Robert de Genneville, l'homme ruiné, le banqueroutier désespéré, était l'assassin. Alors, oui, le visage ? Ah, vous vous souvenez maintenant que je vous ai mis sur la trace. La figure et le corps étaient si abîmés qu'on identifia le défunt qu'à ses vêtements et à ses bijoux. Les deux hommes étaient de même taille, leurs cheveux avaient la même nuance. Le meurtrier habille la victime avec ses propres vêtements. Soigneusement, il passe sa bague au doigt du mort et lui met en poche sa propre montre. Besogne effrayante, mais indispensable, et qu'il accomplit. Combien de fois la police s'est laissée tromper par une semblable substitution de personnage ? Ensuite, il revêt les vêtements de sa victime, le gros pardessus jaune et le chapeau haute forme à large bord, et alors que les visiteurs encombrent le hall, il se glisse dehors, à peu près inaperçu. Il envoie un commissionnaire, qui, si on l'avait retrouvé, aurait donné le signalement de l'avoué, chercher la valise de M. Bedingfield et il prend le train de nuit. Mais alors, sa visite de 10h du soir à l'hôtel Bruce, combien dangereuse ! Dangereuse, oui, mais combien à droite ? Il était, vous vous en souvenez, le frère jumeau du comte Brocklesby, et les frères jumeaux se ressemblent toujours beaucoup. D'où l'impression qu'eut le portier de nuit en voyant le comte au tribunal. Il prévoyait avec raison que la ressemblance, qui serait vraisemblablement constatée, établirait une confusion dans l'esprit du coroner et du juré et embrouillerait toute l'affaire. Peut-être aussi, qui sait, avait-il oublié quelque chose sur le lieu du crime ? Où revint-il pour perfectionner la mise en scène ? Mais je crois plutôt qu'il voulut simplement diriger les soupçons sur son frère. Cela exigeait un esprit bien calme. L'échange de vêtements ne prouve-t-il pas que Robert de Genneville détenait un sang-froid, horrible peut-être, mais prodigieux? Et puis, vous n'ignorez point que les meurtriers retournent presque toujours au moins une fois, et quittent à se faire prendre sur la scène du crime. 2 années se sont écoulées depuis ce crime, et l'avoué Bedingfield n'a pas été retrouvé. Il ne le sera jamais, car son corps plébéien gît dans le cabot aristocratique des comtes de Brocklesby. Le bonhomme était parti. Sa ficelle, abîmée, plissée, gisait sur la table, et les visages de l'avoué Bedingfield, du comte de Brocklesby et de Robert de Genneville dansaient devant mes yeux comme pour se moquer de la perplexité où ils m'avaient plongé. Puis tous ces visages, peu à peu, se transformaient en un seul, mince, pareil à une tête d'oiseau, qui aurait sous son bec un constant ricanement et dans sa patte sinistre une ficelle effilochée. C'était « Le meurtre de Birmingham » par Emma Orczy.